À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, les meetings ont eu lieu à l'Assemblée de la province de Falcón du Venezuela et au comité de la ville de Carirubana de la province de Falcón du Parti Socialiste Uni du Venezuela, alors qu'une conférence s'est déroulée à l'Association d'amitié France-Corée.